Le conte de Lys, les elfes. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Sentier des bois ou d'un familier, sur un noir cheval sort un chevalier, son éperon d'or brille en la nuit brune, et quand il traverse un rayon de lune, on voit resplendir d'un reflet changeant sur sa chevelure un casque d'argent. Couronné de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Ils l'entourent tous d'un essaim léger qui dans l'air muet semble voltiger. Hardi chevalier, par la nuit sereine, où vas-tu si tard? Dit la jeune reine. De mauvais esprits hantent les forêts, viens danser plutôt sur les gazons frais. Couronné de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Non, ma fiancée aux yeux clairs et doux m'attend, et demain nous serons époux. Laissez-moi passer, elfe des prairies, qui foulait en rond les mousses fleuries. Ne m'attardez pas loin de mon amour, car voici déjà les lueurs du jour. Couronné de thym et de marjolaine, les elfes joyeux danse sur la plaine, danse sur la plaine.